démons, j'allais être la proie. Même de loin, ma mère me défend, et ce baiser qu'elle m'envoie, ce baiser. Je ne comprends pas bien. Que veut dire cela? Rien, rien. Parlons de toi, la messagère. Tu vas retourner au pays. Oui, ce soir même. Là maintenant, pendant que je lirai. Ne pas, lisez d'abord et puis je reviendrai. Pourquoi t'en aller? C'est plus sage, cela me convient davantage. Lisez, puis je reviendrai. Tu reviendras. Je reviendrai.

la la la la la la la. C'est dommage, c'est grand dommage, car elle est gentille vraiment. Mais il vaut bien la rendre sage. Attachez ces deux jolis bras. Où me conduirez-vous? À la prison, et je n'y puis rien faire. Vraiment, tu ne peux rien faire. Non, rien, j'obéis à mes chefs. Eh bien, moi, je sais bien qu'à dépit de tes chefs même, tu feras tout ce que je veux, et cela parce que tu m'aimes. Moi, t'aimer? Oui, Josée, la fleur dont je t'ai fait prison, tu sais, la fleur de la sorcière. Mais tu peux la jeter maintenant. Le charme en perle. Ne me parle plus, tu m'entends. Ne me parle plus, je le défends. Si je me livre, vivre ta promesse ti la dirà. Si je t'aime, si je t'aime,